Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. Et vous, les requins à la maison, partout où vous êtes, ce que vous attendiez, c'est évidemment le contenu de qualité. Oui, il est à temps. Il était temps qu'il arrive. On accueille Simon Fitzbé avec sa merveilleuse chronique. Voici Phénomène dans les prochaines secondes qui s'en viennent, c'est-à-dire maintenant. Ah, le timing, c'est la clé en radio. Pile poil. La Lise Dion du timing. Je trouve, non? Hein? Parce qu'elle a un bon timing de comédie. Oh, c'est, oui. C'est punchline là, dans ta face. Puis, ils ont travaillé chez Dunkin' Donuts. Parce qu'elle travaillait là. Elle travaillait là avant d'être humoriste. Ouais. Ça me surprend pas du tout. OK. Donc, Simon Fitzbé avec Phénomène qui continue son exploration de l'histoire des gens qui ont influencé la musique rock. Oui. Et on est dans le Beauvember. Beauvember, les Beatles. Ça, c'est efficace, celui-là, l'affaire. Beetlevember. Beetlevember, c'est moins. Beetlevember. Beetvenderberg. Wonderbar. Wonderbar. Wonderbar. Les Beatles ont eu des moustaches. Oui, c'est vrai. Un bout dans leur carrière. Donc, c'est la raison pourquoi ça a été placé au mois d'avant. Bon choix. Elles étaient très bien taillées. Alors, je sais pas s'il y avait un tailleur de moustache attitré, mais. Je pense que Mathieu en aurait besoin. Ouais, vraiment. On a un peu de garniture aussi. Ça manque de flafla. Ouais. C'est pas assez fluffy. Ouais. Bref, les gens ne voient pas ma moustache en même temps, là, mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, on continue donc l'histoire des Beatles. Oui. On est rendu où dans cette histoire-là? Ben, en fait, on est au tout début. Hein, parce que je voulais parler de Tony Sheridan la semaine dernière, qui, dans le fond, a connu les jeunes Beatles. Et c'est à partir des jeunes Beatles, en fait, on se demandait qui sont ces jeunes Beatles. Est-ce qu'on les connaît? Est-ce qu'on les connaît pas? Ben voilà, on va les connaître. Mais John Lennon, d'ailleurs, dans un extrait que je vais vous présenter, en fait, explique rapidement qu'est-ce que les Beatles en 12 secondes. We were four guys that I met Paul and said, do you want to join my band, you know? And then George joined. And then Ringo joined. We were just a band who made it very, very big, that's all. Et voilà John Lennon qui explique qu'est-ce qu'étaient les Beatles. En fait, ils étaient quatre gars. Lui était là. Ensuite, Paul s'est joint à eux. Ensuite, George s'est joint à eux. Et Ringo s'est joint à eux. Merci, j'ai fini. C'était la chronique. Non, c'est pas vrai. John Lennon dit que Paul s'est joint à lui. Alors, c'est que à l'âge de 16 ans, John était à la tête d'un groupe de skiffle. Et c'est le 6 juillet 1957, à la fin d'un concert à la fête paroissiale de l'église St. Peter's. Dans le coin de Liverpool, qui rencontre Paul McCartney. En fait, c'est un ami, In Vogue, qui lui a présenté Paul McCartney. Les deux avaient 16 ans. En fait, Paul McCartney avait 15 ans. Il est un petit peu plus jeune que John. Et ils sont rapidement devenus amis. Ce qui est arrivé, en fait, c'est que Paul s'est assis avec la guitare de John. Il a dit « Ta guitare n'est pas très bien accordée. » Donc, il a raccordé sa guitare, s'est mis à jouer une pièce. Et les deux sont devenus amis. Donc, vraiment une histoire de coup de foudre artistique intéressant. Ils sont restés amis quand même assez proches puisqu'il y avait un lien très important. C'est qu'ils ont tous les deux, ils ont tous les deux perdu leur mère à l'adolescence. La mère de John a été fauchée par un policier sous et celle de Paul McCartney est décédée d'un cancer. Donc, ils étaient... Un policier sous qui n'était pas ben en service, là, mais quand même, c'était un policier. Elle retournait chez elle et s'est fait faucher. Et en février 1958, ils sont pas si vieux que ça non plus. Ouais, non, ça date pas du 19e siècle. Mais en 1958, Paul insiste pour que George Harrison, son grand ami de toujours, le joigne dans le groupe de skiffle dans lequel il faisait partie, qui se nommait The Quarrymen. Et d'ailleurs, on a réussi à retrouver des enregistrements des Quarrymen qui datent de cette époque-là. On va aller entendre une pièce qui se nomme In Spite of All Danger, une pièce composée par Paul McCartney et George Harrison, enregistrée en 1958. In spite of all the danger, spite of all the privations. Blind boy, let me be. I'll do anything for you, anything you want me to. Quarrymen avec la pièce In Spite of All Danger, une composition de Paul McCartney et George Harrison, chantée par John Lennon. Et on peut voir déjà à cette époque-là, c'est en 1958, les talents de composition de Paul McCartney qui commençaient à fleurir au niveau de son petit côté très très pop qu'on retrouve par la suite dans sa carrière avec les Beatles. On disait les Quarrymen, c'est que les Beatles ont changé souvent de nom avant de se caser dans le nom des Beatles. Ils se sont appelés les Beatles, B-E-E-T-L-E-S. Comme des scarabées. Des scarabées, exactement, littéralement. Ils se sont appelés également les Silver Beatles, Long John and the Silver Beatles, Silver Beats. Et finalement, se sont fixés sur le nom Beatles, B-E-A-T-L-E-S. Jeu de mots. Jeu de mots, oui. On faisait référence en fait au groupe de l'époque comme les Crickets de Buddy Holly. Donc, on essayait de prendre un nom de petit insecte. Et en même temps, on faisait un petit clin d'œil au film L'équipée sauvage de Marlon Brando, où il est question d'un gang nommé les Beatles ou Scarabée. Donc, petit insecte, qui était une gang de motos. Et on a remplacé le deuxième E dans Beatle par Beat, par un A, pour faire référence donc au Beat, au Mercy Beat, ou à la Beat Music, des choses du genre. Et pas betterave, mais Beat. Ouais. Un Beat. Mais si ça peut vous rappeler les betteraves aussi, tant mieux. Ouais, tant mieux pour vous. Si vous vous appelez Dwight Schrute ou des choses comme ça. Mais bref. Blague de The Office, émission de télé. Oui. Donc, les Beatles, à l'époque, en fait, les Quarrymen qui sont devenus les Beatles ont connu plusieurs phases, plusieurs groupes, plusieurs membres également qui se sont greffés ou défaits du groupe entre 1958 et 1957, en fait, et 1961-62. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que lorsqu'ils sont partis à Hambourg, donc au début des années 60, au milieu des années 60, les Beatles... de l'année 60, dis-je. Ah. Bon, les Beatles étaient formés du trio qui était le cœur, c'est-à-dire John Lennon, Paul McCartney et George Harrison, se greffaient à ça. Stuart Sutcliffe, un ami d'enfance de John Lennon, qui, en fait, lui, était plus un artiste qu'un musicien. Et donc, il avait réussi à avoir assez d'argent pour s'acheter une basse. Et c'est pour ça qu'il s'est fait incorporé à l'intérieur du groupe. Donc, ce quatuor-là, donc des trois Beatles qu'on connaît et de Stuart Sutcliffe, réussissent à avoir un contrat en Allemagne dans le club Indra. J'en avais parlé la semaine dernière, donc lorsqu'on parlait de Tony Sheridan. Et à ça est venu s'ajouter Pete Best, qui a été auditionné le 17 août 1960, juste avant de partir à Hambourg. Et c'est là donc qu'ils vont faire leurs premières armes. Ils vont commencer à jouer dans des clubs vraiment miteux qui n'étaient pas vraiment des clubs recommandables. Il y avait entre autres des strip clubs à l'époque, donc des danseuses là, qui étaient là. Ils jouaient là-dedans? Oui, et donc eux, après donc, 2-3 numéros, ils montaient sur scène à faire 4-5 chansons. Ils pouvaient faire. C'est toi d'être là, c'est pas toi qu'on veut voir. Non, c'est ça, exactement. Mais ils ont été chanceux parce que les Allemands aimaient beaucoup le rock'n'roll, donc ils étaient prêts à les écouter quand même si c'était pas des filles qui se dévêtissaient. Mais les Beatles ont commencé à se faire un petit sac d'amis. Également, ils ont rencontré, entre autres, Astrid Kircher, qui était une photographe qui a pris les premières photos du groupe qu'on peut voir. D'ailleurs, là, j'ai emmené l'anthologie numéro 1 ici en studio. Les pièces qu'on entend aujourd'hui, ça vient de là. Et il y a plusieurs photos qui viennent d'Astrid sur cette couverture-là. C'est très intéressant, en fait. C'est elle aussi qui va influencer beaucoup John Lennon dans sa vie en général, puisque, bon, lui et Stuart Sutcliffe vont connaître un triangle amoureux, mais on n'est pas ici pour parler de ça. Pas de potin. Pas de potin là-dessus, à matin. Mais bref, Stuart Sutcliffe décide de quitter le groupe alors qu'ils étaient à leur premier voyage en Allemagne, puisque lui est en amour avec Astrid et a décidé de rester là, alors que le groupe retourne en Angleterre. Les Beatles vont aller pendant cinq séjours, en fait, à Hambourg, entre 1960 et 1961, plutôt 1962, dis-je. Hein, c'est un peu confus, mais bref. Et ils vont faire plusieurs concerts. Ils vont voir leur ami une fois de temps en temps, Stuart Sutcliffe, bien sûr. Et ils vont rencontrer pendant ces nombreux voyages-là Ringo Starr, qui est un batteur pour un autre groupe, et également Tony Sheridan, comme je vous en ai parlé la semaine dernière. Et ils vont enregistrer My Bonnie avec Tony Sheridan à Hambourg. Ils vont, entre autres... en 1962, revenir en Angleterre, non pas en Angleterre, mais à Hambourg, et pour découvrir que Stuart Sutcliffe est décédé 3 jours avant. Il a eu une hémorragie cérébrale et c'est ce qui a fait qu'il, malheureusement, il a perdu la vie en Allemagne. Et lorsqu'il revenait en arrière en entrevue, John Lennon disait souvent qu'il a grandi à Hambourg en apprenant à se débrouiller. C'est là aussi que les Beatles ont découvert les premiers effets des amphétamines, donc des speed, comme on disait à l'époque, des uppers, puisqu'ils avaient besoin de ça pour jouer beaucoup. Ils pouvaient faire 17 par soir, donc des sets de 20 minutes. C'est énorme. Oui, c'est de la job. Donc, eux prenaient ça. Ils ne savaient même pas ce que c'était. L'effet que ça faisait, ils savaient juste que ça les tenait réveillés et c'était assez. Et finalement, bon, ça nous amène à la partie où ils se font découvrir plutôt par Brian Epstein. Mais avant tout, on va l'entendre justement ce que John Lennon a à dire sur Brian Epstein. Brian was a beautiful guy, Brian Epstein, and he was an intuitive, theatrical guy, and he knew we had something. He presented us well. Et donc, on parle ici de Brian Epstein, le type qui a découvert les Beatles en Angleterre. C'est donc après leur premier voyage à Hambourg que les Beatles reviennent en Angleterre et font de plus en plus de concerts au Cavern Club, qui a été un des premiers endroits où ils ont joué dans toute leur histoire. Et donc, c'était un café souterrain. Ils vont jouer plusieurs fois. Ils vont jouer jusqu'à 300 fois jusqu'en 1963 dans ce fameux tavern. Et le 9 novembre 1961, Brian Epstein, qui était disquaire à l'époque, décide d'aller voir justement ce groupe-là, que tout le monde parle des Beatles. On demande s'ils ont des disques des Beatles. Et il dit non, mais c'est quoi? Donc, il va aller faire un tour à cette caverne pour rencontrer le groupe. Et il va décider de les signer en devenant donc leur gérant, leur agent et s'occuper donc de leur carrière. C'est grâce à lui, d'ailleurs, qu'ils vont... laissez tomber les vestes de cuir. Les Beatles ressemblaient, si vous voulez faire une idée de à quoi les Beatles ressemblaient, ben ils ressemblaient à James Dean ou Marlon Brando à l'époque, c'est-à-dire cheveux avec beaucoup, beaucoup de lac, les côtes de cuir très, très, très, très bouffants pour avoir l'air, ça donnait un air tough. Il va donc laisser tomber toute cette image-là et vont leur donner en fait une tenue vestimentaire beaucoup plus sobre avec les cravates et tout, donc il allait essayer de les faire passer comme des bons garçons. Ils vont également leur donner la coupe de cheveux qui nous rappelle un peu celle des trois Stooges, là, vraiment. Donc, la coupe de cheveux avec la bolle sur la tête. Mm-hmm. Qui est, en fait, une idée d'Astrid Kircher. C'était une coupe de cheveux qui se portait beaucoup chez les beatniks européens de l'époque. Et ils vont faire un premier enregistrement à Decca, en fait. Brian Epstein va les emmener dans la compagnie Decca, qui était une grosse compagnie de disques à l'époque. Ils vont auditionner en janvier 1962. Ils vont enregistrer 15 pièces, mais malheureusement, le directeur artistique de Decca, va se faire appeler par la suite The Man Who Turned Down the Beatles. En fait, il a dit aux jeunes Beatles qui venaient d'enregistrer 15 pièces et qui étaient quand même assez prometteurs selon plusieurs et selon Brian Epstein, bien sûr. Il a dit « Rentrez chez vous à Liverpool, Monsieur Epstein, les groupes à guitare vont bientôt disparaître. » Donc, il ne croyait pas vraiment pas au potentiel des groupes rock'n'roll à cette époque. Et d'ailleurs, on a justement un enregistrement d'une pièce de John et Paul qui a été enregistrée à la DECA pendant cette session de janvier 1962 qui se nomme « Hello, Little Girl ». Every day I say, hello, little girl. When you're passing on your way, I say, hello, little girl. When I see you passing by, I cry, hello, little girl. When I try to catch your eye, I cry, hello, little girl. Hello. I send you come a day when you say, you're my little girl. Hey, it's not the first time that it's happened to me. It's been a long, lonely time. And it's so funny to see that I'm about to lose my mind, So I hope there'll come a day when you say, you're my little girl. You're my little girl. You're my little girl. Oh yeah. You're my little girl. Hello Little Girl, qui a été enregistré donc en janvier 1962, les Beatles qui essayaient de décrocher un contrat de disque et ils étaient allés à la DECA et finalement les gens à la DECA ont dit les groupes à guitare ça va bientôt disparaître, on veut pas avoir donc à s'encombrer d'un groupe qui sera pas populaire et qui nous fera pas d'argent. Ah, quelle incroyable ironie du sort. Ouais. Mais bref, par contre, un homme va croire aux Beatles, bien sûr aidé beaucoup par les pressions de Brian Epstein. Cet homme-là se nomme George Martin. Donc Brian Epstein a fait le tour, mais vraiment le tour de toutes les maisons de disques qu'il y avait en Angleterre à l'époque. Et ils ont, en fait, il s'est dirigé vers EMI et Parlophone, donc qui était une division de la compagnie. C'était en fait un peu l'endroit de la dernière chance. Si ça fonctionnait pas là, mais ben, il avait fait vraiment le tour et il pouvait pas rien faire. Comme il dit la chanson, If you can't make it anywhere, you can't make it anywhere. Ouais, dans le genre. Je sais pas. J'essayais de trouver un lien avec la chanson. Quand est-ce qu'il sort ton album, Mathieu? Celui où je chante. Qu'on l'achète pas, là. Scrub des internets. Oui. Je l'ai entendu en reprise en plus. Ah, c'est hot. Hein? Ben, j'étais là, quel épais. Mais bon. Ouais. Bon, oui, c'est ça. Pardon. Donc, Brian Epstein a fait le tour des maisons de disques et la dernière qui sont prêts à entendre les Beatles, CMI, et le producteur George Martin, donc qui lui produisait la musique classique, mais il s'est dit, bon, je peux toujours donner une chance à ces garçons-là, mais je m'attends pas vraiment à grand-chose de ce côté-là. Par contre, il y a eu, donc il a entendu le groupe qui ont joué à peu près, un peu comme à la DECA, une quinzaine de pièces, mais ils ont pas toutes été enregistrées. Il y en a 4-5 qui ont été enregistrées qui existent encore aujourd'hui. Et il y a eu une intuition en écoutant le groupe. Il a décelé le potentiel des Beatles et il a décidé de signer le groupe, mais il aimait pas beaucoup le style de Pete Best. On se souvient de Pete Best, donc batteur des Beatles engagé en début 1960 avant qu'ils aillent à Hambourg, en Allemagne. Et il aime pas vraiment le style, il aime pas donc son rythme, mais il aime pas sa façon de battre. Donc il a dit, moi je vous engage, vous pouvez garder Pete Best si vous voulez faire des concerts, des choses comme ça, mais en studio, moi je suis quelqu'un de très sérieux, je travaille toujours donc très strictement. Il faut que vous ayez un nouveau batteur. Et donc ça a été assez difficile. Les autres membres du groupe voulaient pas que Pete Best parte. C'est leur ami. Ah, c'est ça. Mais ils se sont dit en même temps, si on change de batteur pour le studio, on va changer de batteur pour les concerts aussi. Ouais, on va pas alterner entre les deux. Et finalement, c'est Brian Epstein qui a eu la charge, en fait, de se débarrasser un peu de Pete Best d'une façon plus ou moins correcte. Il a quand même essayé de le garder sous son aile, de dire, bon, on va te former un groupe à toi et bon, vous allez être un peu l'équivalent des Beatles. C'est malheureusement jamais arrivé. Pete Best a été toujours un peu amer de ça. Et d'ailleurs, c'est un des survivants des premiers Beatles. Il est toujours en vie. Il va très bien, comparativement à 2 sur 4 qui sont déjà décédés. Ouais. Mais bref, on décide d'engager Ringo Starr en août 1962 pour remplacer Pete Best. Mais les gens n'étaient pas nécessairement d'accord avec ce choix-là. Entre autres, lors des premiers concerts des Beatles avec Ringo Starr au Cavern Club, les gens disaient « Ringo jamais, Pete toujours ». Donc, je sais pas si ça vous rappelle quelque chose, c'est arrivé dans les Simpsons lorsqu'ils avaient leur groupe, les Sidières. Ah oui! On disait « Wiggum, Wiggum pour toujours, Barney au trou ». C'était un peu Ringo jamais, Pete toujours, parce que bon, Pete best, Pete is the best. Le jeu de mots Ringo est facile. Ouais, c'est ça, exactement. C'est niveau Mathieu Plante. Hein? Oui, ouais, c'est vrai, je pensais à toi quand j'ai vu ça hier. Mais bref, c'est à partir de là, un peu que part la grande histoire des Beatles, ensuite à venir la Beatlemania et tout ça. Et on va l'entendre un peu pour terminer justement cette chronique avec une des premières pièces enregistrées par George Martin en juin 1962 chez EMI. C'est la pièce Love Me Do, une des premières versions avec Pete Best à la batterie. Une des premières versions enregistrées de Love Me Do dans les studios d'Abbey Road à EMI par George Martin. Et c'est une version donc où on retrouve Pete Best à la batterie. Toutes les pièces que vous avez entendues aujourd'hui se retrouvent sur la toute première anthologie des Beatles qui est parue en 1995. Et c'est une version qui a 15 ans donc que j'en ai aujourd'hui. Tes CD sont tellement propres et sans aucun graphisme. Pour ce qui est de celui-là, en tout cas, qui date de cette époque-là, parce que bon, j'ai pas nécessairement été toujours très, très... propre avec mes disques à l'époque. Il faut dire, ben, tu sais, les lecteurs CD portatifs qu'on avait, là, ouais, c'était pas très, très bon pour les CD. Il y avait pas beaucoup d'espace, mais souvent, bon, tu leur sortais, il y avait plein de graphiques dessus. Ah. Ceux-là n'ont pas passé par là. Mais bref, c'était la première partie des Beatles qu'on pourrait appeler les Early Beatles, mm-hmm, pour rappeler un peu leur titre d'album. Et la semaine prochaine, on va voir la Beatlemania, c'est-à-dire de 1963-1965 à peu près, pour donner des dates. Ça va être très intéressant. Et on va parler des Beatles pendant tout le mois de novembre. Oui. Voilà. Simon Fitzbé, merci beaucoup. Tu restes avec nous? Oui, oui, bien sûr. Oui. Un petit peu de vin? Ah, pourquoi pas? Pas le même. À 8h et quelques du matin, c'est toujours plaisant. On te retrouve à plein de places, dont aujourd'hui, parce que c'est le Simon Fitz D. Oui. Hein? Ça commence tous les jeudis matin à 8h avec ta chronique Phénomène. Ensuite, il y a le scoot des internets. Ou est-ce qu'il y a des internets? Entre 11h et 13h dans Dîner de con. Est-ce qu'il y a des internets? Bon. On a un beau mix, justement, maintenant, dans le thème de la chronique. C'est ma voix, malheureusement. Oui. Ouais. Et ensuite, il y a la saveur du moment à 21h tous les jeudis soirs. Et puis, le Simon Fitz D est tellement rempli de contenu qu'il doit dépasser au vendredi. Oui. Donc, on te retrouve à Rock Classique à partir de 11h. On défonce, on flash les murs. Donc, yeah, boy. Simon Fitz B rempli de connaissances et de culture. Merci. Merci beaucoup. Pas de couture, culture. Tu fais de la couture aussi? Non, je fais pas de couture. C'est pas toi qui as fait ta veste? Non, c'est pas moi. Non. Hey, Mathieu! François Olivier! Hey, Matt, peux-tu bien me dire pourquoi il y a un 10 roues dans le stationnement? Il y a plein de garnottes dans notre bureau. Ben depuis que j'ai entendu dire qu'Assemblage Rocky construisait notre journée avec des matériaux de qualité, ben je fais livrer un camion de garnottes puis un camion de béton par semaine, c'est juste pour aider, je suis fin de même. Matt. Depuis le temps que t'animes cette émission-là, t'as jamais pensé que les matériaux de qualité, c'était les chroniqueurs puis la musique? Ah, ça a bien du sens comme slogan, ça, hein? Hey, puis toute ta patente, là, ça nous a coûté combien, ça, là? Hey, man, qu'est-ce que t'as mangé à ma tête? Tu sens bon, là? Assemblage requis, du lundi au jeudi de 7h à 9h à C'est fou. Assemblage requis.